nuit s'élève et que l'ombre avance, je lève mes yeux vers le Dieu de puissance. Dans les batailles sombres, sa lumière m'appelle. Son nom est une arme, sa vérité rebelle. À genoux je crie et le ciel étincelle. La prière, la prière, elle brise les chaînes. Elle fait trembler l'enfer et détruit la haine. Par le nom de Jésus, les murs s'effondrent, les démons s'enfuient quand la voix résonne. Oh, la prière, c'est ma victoire, ma couronne. Dans les cris du vent, je lève mon arme, une foi brûlante, un chant dans mon âme. Les puissances tombent quand j'invoque sa croix. Les ténèbres fuient sous l'éclat de sa voix. Je tiens ferme car sa grâce. La prière, la prière, elle brise les chaînes. Elle fait trembler l'enfer et détruit la haine. Par le nom de Jésus, les murs s'effondrent, les démons s'enfuient quand la voix résonne. Quand le doute s'élève, sa parole demeure. Elle éclaire mon chemin, apaise mes peurs. Chaque cri que je lance, chaque larme versée est une arme puissante contre l'adversité. Je suis fort car mon Dieu.